Lettre 85e, Théophanie à Junien Marcella. Saint-Yom, septembre 303. Oui, ma Junia, mon bonheur s'augmente chaque jour par quelques circonstances imprévues ou quelques surprises agréables. La vie que je mène est cependant simple, calme, et paraîtrait peut-être monotone aux yeux de bien des gens, mais elle renferme en elle-même une richesse de petits événements si nécessaires au cœur que l'histoire intéressante de chaque journée se grave dans le mien en souvenirs immortels. Nous avons eu dernièrement quelques-uns de ces jours qui ne s'effacent pas de la mémoire. J'ai été loin de m'y attendre et d'imaginer surtout qu'il me ferait autant de plaisir. Calpurnie vint nous voir avec son frère Quintus. Je ne puis te dire mon émotion lorsqu'Agathoclès vint dans ma chambre pour m'annoncer son arrivée. Je sentis que ce que j'éprouvais se peignait sur ma physionomie. Agathoclès le remarqua et m'embrassa avec tendresse. « Reçois Calpurnie avec bonté, me dit-il. C'est une personne du plus grand mérite, quoique ses opinions ne soient pas à l'unisson des nôtres. » Je me remis promptement. Il le désirait, cela me suffisait. Elle l'avait aimé, perdu, et perdu pour moi, cela seul disposa mon cœur en sa faveur. Je sentais que je lui avais enlevé un bien trop précieux, pour ne pas chercher à la dédommager, au moins en quelque partie, par les attentions les plus prévenantes. Je descendis dans cette disposition d'esprit, et notre premier abord fut tel que j'aurais pu le désirer. Deux cœurs qui éprouvent le même sentiment pour le même objet doivent se sentir à l'unisson, et se convenir au lieu de se détester, comme cela n'arrive que trop souvent. Combien elle me parut différente de la première fois que je la vis ici avec Sulpici. Elle est encore très belle, mais sa beauté n'a plus ce brillant, cette légèreté, cette insouciance qui me révoltèrent alors. Quelque chose de sérieux, de réfléchi, est à présent répandu sur toute sa figure. Je crois même avoir observé chez elle un sentiment de tristesse qu'elle s'efforce de dissimuler. Ah, Junia, lorsque je vins en penser à la cause de cette intéressante tristesse, lorsque je me rappelais ce que j'avais souffert quand je crus avoir perdu pour jamais un objet chéri, lorsque je me dis que c'était moi qui le possédais à présent et qu'elle en était à jamais privée, mon cœur se serra comme si j'avais des reproches à me faire, et j'aurais été capable de me jeter à ses pieds pour lui demander pardon. Je crois qu'elle était aussi très émue et qu'elle s'efforçait de le cacher. Sa voix tremblait, la mienne n'était guère plus assurée. Nous nous remîmes peu à peu et nous fûmes enfin naturelles et amicales l'une avec l'autre, plus même qu'elle ne l'était avec Agathoclès. Mais lui, il était si content, si heureux, que j'en aimais mieux Calpurnie, de lui avoir procuré par sa visite cette douce sensation. Pendant plus de deux jours, depuis qu'elle nous eut quittés, nous ne pûmes parler que d'elle et du plaisir qu'elle nous avait fait éprouver. Son frère est aussi un jeune homme aimable, mais elle est plus liée avec Lucius, qui est resté à Rome. Agathoclès m'avoua qu'il respirait plus librement depuis qu'il avait la certitude que cet aimable ami lui pardonnait son mariage, ne s'en trouvait point offensé, et lui avait conservé toute son estime. Et Gésippus aussi continue à nous traiter avec une bonté, je dirais même une tendresse paternelle, qui s'augmente chaque jour. Il est venu deux fois à Saint-Yom. La nature et ses innocents plaisirs exercent son pouvoir irrésistible, même sur les hommes qui s'en croient le moins susceptibles. Lui, qui détestait le séjour de la campagne, semble s'y plaire avec nous et nous quitter à regret. Peut-être aussi n'est-ce que l'effet du contraste et de la nouveauté. Mais j'ai gardé pour la fin de ma lettre le récit de la joie vive et pure que la bonté divine nous réservait encore. Agathoclès ne pouvait supporter la pensée d'une brouillerie entre lui et Constantin. Je voyais clairement que cette idée, comme un ver rongeur, altérait sa félicité. Son amitié ne pouvait plus soutenir cet absolu silence et cette froideur. Il était sans cesse occupé à chercher un prétexte de faire les premiers pas, et n'en trouvant point, il se décida à faire également des avances, précisément parce qu'il ne se sentait aucun tort. Il écrivit donc au prince. Il était facile de remarquer combien il était inquiet et agité sur le résultat de sa démarche. Il avait fixé 8 jours pour recevoir une réponse ou décider une rupture totale. Mais dès le soir du second jour, nous rentrions à la maison, après une longue promenade, lorsque nous vîmes Constantin sortir d'un bosquet et courant les bras ouverts au-devant d'Agathoclès. Tu juges comme il fut reçu. Les deux amis se tenaient pressés l'un contre l'autre comme s'ils n'eussent plus été qu'un. Pas un seul mot n'interrompait cette scène touchante et les étreintes de la plus vive amitié. Enfin, Constantin détacha ses bras qui entourait Agathoclès, et joignant ses mains, il voulut prononcer les mots d'offense, de tort, de pardon demandés. Agathoclès lui mit la main sur la bouche. « Rien, rien de tout cela !» lui dit-il. « Oublions le passé !» Agathoclès et Constantin n'ont pu cesser de s'aimer. « Je ne suis pas rejeté de ton cœur. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir pour être complètement heureux. » Ils s'embrassèrent de nouveau. Je vis des larmes dans les yeux d'Agathoclès. Les miens en étaient inondés, mais qu'elles étaient douces. Mes mains s'étaient jointes involontairement, et les yeux élevés vers le ciel, je remercie intérieurement le Dieu de paix et d'amour qui rapprochait ainsi deux cœurs si dignes l'un de l'autre. Je ne m'aperçus moi-même de mon attitude exaltée que lorsque Agathoclès s'approcha de moi en me serrant dans ses bras et me disant « Bien, ma Théophanie, prie notre Dieu de me donner la force de soutenir tant de bonheur. » Constantin s'avança aussi et me serra la main avec tendresse. Placés entre deux et nos bras entrelacés, nous retournâmes à la maison. Constantin est resté 3 jours avec nous, et je vis enfin mon Agathoclès entièrement heureux. « Junia, le bonheur de ta Larissa s'augmente chaque jour. J'ai l'espérance d'être mère. Oh, Junia, il y aura donc encore un lien de plus entre Agathoclès et l'heureuse Théophanie. Le seul désir de mon cœur actuellement est de te revoir, et celui-là aussi sera exaucé. Agathoclès me promet de me conduire à Apamée, lorsque je pourrai voyager sans crainte et te présenter à la fois les deux êtres qui seuls partagent avec toi mes affections. Adieu, mon ami. »